Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous situez. Le plaisir est pour nous de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Forum Jeunes qui vous parle des sujets qui passionnent les jeunes. C'est tous les lundis à partir de 17h sur la radio Isanganiro. À Bujumbura, beaucoup de jeunes se réunissent en association à caractère caritatif avec l'objectif de porter secours à ceux qui ont besoin d'aide matérielle ou morale. Ces œuvres caritatives sont le plus souvent adressées aux enfants de la rue ou aux orphelins. Assister les autres, c'est toute une organisation qui doit se faire, allant de la collecte des aides jusqu'à la distribution de ces dernières. Au cours de cette émission, on pourrait chercher à savoir comment ces jeunes arrivent à rassembler les objets qu'ils utilisent, comment ils identifient les bénéficiaires et ce qu'ils ont déjà gagné en organisant ces activités caritatives. Nous sommes avec Cortil Ninedza, coordinatrice du projet Sunday Meal au sein de Youth Building in Synergy to End Poverty, YBSP en sigle. Bon après-midi et bienvenue à cette émission, Cortil. Bon après-midi et merci. Nous sommes également avec Arnaud Igor Giliteka, coordinateur de Sorora Ikaye au sein du YBSP également. Bienvenue à cette émission, Arnaud. Merci. La mise en onde est assurée par François Kimana. Et l'animation de cette émission, c'est Ali Dandaikeza. Bienvenue encore. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Pour entrer dans le vif du sujet, commençons par une première question à Quartil. Pourquoi faire partie d'une association à but caritatif? Faire partir dans une association à but lucratif, c'est ma passion. Mm-hmm. J'ai déjà toujours rêvé de faire ça depuis petite. Je rêvais d'aider les autres. Mm-hmm. Donc, c'est mm-hmm. ma passion. Mm-hmm. Ouais. Et le choix d'une telle association à caractère caritatif? Pour moi, je dirais remercier les gens parce que moi aussi, J'ai eu les gens qui m'ont aidé depuis que j'ai 5 ans jusqu'à mmh. 25 ans. Donc, mmh. c'est partager l'amour que j'ai reçu des gens qui m'ont aidé. C'est une dette que tu as envers les autres? Non, c'est pas nécessairement une aide, mais c'est être reconnaissant de ce que, reconnaissant de ce que moi aussi j'ai eu. Mmh. Donc, pouvoir le partager avec les autres qui en ont besoin. Mmh. C'est la même question à l'endroit d'Arnaud. Comment un jeune garçon de surcroît, parce que là, peut-être, il y a une compassion féminine qui peut influencer. Mais toi, en tant que jeune garçon de Bujumbura, pourquoi faire partie d'une association à caractère caritatif? Vous demandez pourquoi je suis dans l'IBSP. Mm-hmm. Tout d'abord, le fondateur, c'était mon ami. Mm-hmm. Le fondateur, on a fait la même école. Mm-hmm. Alors, il m'a partagé l'idée et j'ai trouvé ça un peu génial. Mm-hmm. Et puis on s'est lancé. Mm-hmm. Ça fait maintenant 6 ans mm-hmm. qu'on est dans le bain des associations caritatives. Mm-hmm. Mais ce qui nous a motivés, c'était de montrer que nous sommes capables. Mm-hmm. On s'est dit que la jeunesse peut faire, parce qu'il y a des gens les plus nécessités. Mais bien sûr, on n'avait pas trop de choses à donner, mais on s'est dit, quand il y a la volonté de faire quelque chose, on peut améliorer. Surtout, on a commencé avec les enfants de la rue. Mm-hmm. Avec ce phénomène qui avait pris de l'ampleur, on s'est dit, il faut essayer de voir comment on peut quand même venir au secours de ces enfants. Mm-hmm. Et pourquoi cette association? Si tu voulais seulement faire partie d'une association, pourquoi ne pas être dans une association de l'environnement, des droits des femmes, des professionnels dans un métier quelconque? Pourquoi concrètement cette association? Je dirais qu'il y a un fruit du hasard. Mm-hmm. Il y a un fruit du hasard, mais tout ce que vous avez dit, environnement, YBSP, ce n'est pas seulement les enfants de la rue. Mm-hmm. Il y a des branches. D'autres branches. Oui. Mm-hmm. On essaie de toucher tout ce qui peut impacter notre communauté. Mm-hmm. On essaie d'y travailler. Mm-hmm. Même si le programme qui est plus visible, c'est le programme chargé des enfants de la rue. Mm-hmm. C'est le programme qui est plus visible du fait que c'est ça a été le premier projet mm-hmm. qu'on a fait. Mm-hmm. Donc, mais il y a d'autres projets en cours qu'on essaie de faire, mm-hmm. même s'ils n'ont pas, encore avancé. Parce que, par exemple, tu ne peux pas s'attaquer au phénomène de la, des enfants de la rue ça, sans s'attaquer aux racines de ça. Mm-hmm. Ça veut dire la pauvreté des familles. Mm-hmm. Maintenant, on a ce qu'on appelle le women empowerment, parce que la majorité des enfants qui sont dans la rue, ils ont les mères, ils mm-hmm. ont leur maman. Mm-hmm. Maintenant, on essaie de voir comment essayer d'aider les mamans pour qu'ils puissent... pour qu'ils ne puissent plus envoyer leurs enfants dans la rue mm-hmm. parce que ils ont le motif qu'ils aiment, ils disent que c'est à cause de la pauvreté il faut que les enfants aillent dans la ville pour qu'ils demandent de l'argent mm-hmm. en vue de pouvoir manger mm-hmm. pour qu'ils puissent justement en parlant de pauvreté. Vous êtes là pour lutter contre la pauvreté. Est-ce que vous pensez que les jeunes peuvent lutter, faire cette lutte à la place des personnes âgées, des personnes adultes? Mais oui. Mm-hmm. Et comment? Le Burundi, c'est pas que les personnes âgées, c'est les jeunes aussi. Mm-hmm. Mais nous, en tant que jeunes, on a beaucoup de force. Donc nous, on peut aller là où nos aînés ne peuvent arriver. Mm-hmm. Donc ça nous pousse à sensibiliser ces mamans que, comme Arnaud le disait, mm-hmm. on essaie de voir comment on peut donner des petits capitales à ces mamans pour vendre même les petits légumes. Mm-hmm. Comme ça, s'ils ont le petit capital et qu'ils peuvent avoir un petit revenu, leurs enfants, ils pourront plus retourner dans la rue demander de l'argent. Mm-hmm. Et ils pourront aller à l'école. On les soutient aussi pour aller à l'école. Mm-hmm. Donc, on a vu que, comme Arnaud le disait, vu que les familles sont pauvres, ce sont les enfants qui vont chercher mm-hmm. à la place des parents, et alors que ça pouvait pas se passer comme ça. Mm-hmm. Arnaud, oui. Est-ce que vous pensez que cette lutte peut être gagnée par les jeunes oui. à la place des personnes adultes? Oui, parce que moi, je crois fermement que les jeunes, ce sont les... La pierre angulaire d'une nation. Parce que mm-hmm. ce sont les ils ont de l'énergie, mm-hmm. ils sont forts. Et en tout cas, ils sont encore frais dans leur tête. Mm-hmm. So, ils essaient... S'ils se mettent ensemble, ils peuvent faire quelque chose qui peut impacter tout le monde mm-hmm. et faire avancer la nation. Mm-hmm. Vous êtes des jeunes qui se sont mis ensemble pour ériger votre organisation. Est-ce que c'est facile de faire comprendre aux autres jeunes de les embarquer dans cette mission que vous êtes fixée? C'est facile de leur faire comprendre? Chez YBFP, c'est de la chance. Mm-hmm. Notre œuvre est plus compréhensible, je ne sais pas pourquoi, c'est parce que ça touche les enfants. Mm-hmm. On n'a pas du mal à faire passer le message. On a beaucoup de bénévoles parce que tout le monde est bénévole. Mm-hmm. C'est du volontariat qu'on fait. Mm-hmm. Et chaque semaine, on reçoit d'autres demandes d'agrément, mm-hmm. d'adhésion. Oui. Mm-hmm. Il y a des jeunes qui veulent se joindre avec nos activités que nous faisons chaque mois. Mm-hmm. Et surtout chaque dimanche, il y a le centre des 1000 qu'on fait. Mm-hmm. C'est... Et là, vous donnez de quoi manger aux jeunes, aux enfants de la rue. Oui. Mm-hmm. On essaie de jouer avec eux, mm-hmm. quand même de leur témoigner que même s'ils sont dans la rue, quand même, il y a des personnes qui pensent à eux. Mm-hmm. On comprend bien qu'il y a plusieurs activités que vous organisez. Est-ce que, Quartil, c'est facile d'avoir des partenaires pour organiser toutes ces activités? Parce que où est-ce que vous tirez d'abord l'argent pour les organiser? Bon, d'abord, l'argent, ça vient des membres de l'association. Mm-hmm. Donc, les membres cotisent. Mm-hmm. Mais aussi, on essaie de chercher des parrains et des marraines. Il y a des jeunes qui sont à l'étranger, qui nous aident un peu, qui parrainent les enfants. Mm-hmm. Ouais. Mais en général, ça vient de nous, les membres du YBSP. Est-ce que c'est facile d'approcher les personnes adultes pour leur proposer votre projet? C'est facile? Oui, mm-hmm. oui, c'est facile. Par exemple, dernièrement, on avait approché le maire de la ville mm-hmm. Et on a exposé notre projet sur le Likaye, comme tu disais, et il nous a écouté comme un parent et il nous a beaucoup aidé. Ouais. Et vous pensez que vous impactez vraiment pour ce qui est du caritatif? Oui. Oui, oui. Comment vous pouvez mesurer cela? Par exemple, au sein de notre association, on a des jeunes qui étaient dans la rue. Mm-hmm. On a 10 jeunes qui étaient dans la rue, qui étaient des enfants de la rue, mais qu'on essaie de prendre en charge. Donc, ils sont chez nous, on a une maison, ils sont chez nous, on leur prend en charge. Mm-hmm. Mais ils sont à l'école, on voit que, franchement, que ce sont des enfants qui réussissent, qu'ils n'étaient pas dans la rue, non pas parce que ce sont des enfants qui n'ont pas de l'intelligence, mais parce que ils étaient pauvres. Donc du coup, on voit qu'il y a un changement. Ouais. Une transition et nous allons revenir dans les studios. Isanganiro, la radio de l'avenir. Vous écoutez l'émission Forum Jeunes et dans nos studios, nous sommes avec Kwartil Ninedza, coordinatrice du projet Sunday Meal du YBSP. Nous sommes également avec Arnaud Igor Giliteka, coordinateur de Solola Ikaye au sein du YBSP. Et nous sommes en train de parler des associations à caractère caritatif qui sont organisées par les jeunes. Arnaud, est-ce que il y a des contraintes que vous avez déjà connues lors des organisations, des événements, entre autres caritatives? Les problèmes, il y en a toujours. Mm-hmm. Il y a toujours des problèmes, mais on essaie de les surmonter. Mm-hmm. Mais surtout, quels sont ces problèmes d'abord? Tout d'abord, il y a un problème financier. Mm-hmm. C'est le plus important. Mm-hmm. Parce que, par exemple, prenons, on a un projet qui consiste à prendre les enfants de la rue et de les réintégrer dans leur ménage. Comme Kwartil l'a dit, on a 10 enfants. Mm-hmm. Alors, vous les avez dans vos locaux, les ménages? On loue une maison pour eux, on cherche un encadreur. Mm-hmm. Oui, ils ont leur propre maison. Mm-hmm. Et on essaie de suivre, de les encadrer, mais il y a toujours un encadreur. Mm-hmm. Le problème financier, c'est le plus important, comme je le disais, parce que ça demande des moyens. Mm-hmm. Et on n'a pas de financement particulier comme des projets. Mm-hmm. Et parfois, c'est une bonne chose parce que ça permet, malgré qu'on perçoive peu de moyens, ça permet de les gérer correctement, sans pression. Parce que les dons ou les cotisations des membres sont suivis à la lettre. Mm-hmm. Ce n'est pas la même chose des financements. Les bailleurs de fonds parfois t'exigent ils fixent leurs barrières. Mm-hmm. L'avantage, c'est que même si c'est peu de moyens, on a une grande marge de manœuvre pour utiliser les fonds que les membres ont donnés. Mm-hmm. Tout à l'heure, Kwartil disait que c'est facile pour vous d'avoir des partenariats. Est-ce qu'on vous prend vraiment au sérieux quand vous présentez un projet, par exemple, devant un bailleur? Bien sûr. Mm-hmm. Mais on n'a pas encore... tu sais, le système qu'on aime utiliser, on ne demande pas d'argent. Mm-hmm. On fait un état de besoin. Mm-hmm. Alors, si on va voir un bailleur, pour ne pas qu'on lui donne... On a besoin, par exemple, pour le projet Solola. Mm-hmm. Ikaye. Solola Ikaye. Mm-hmm. C'était juste, on avait identifié les enfants. Mm-hmm. C'est un nombre... Au départ, c'était 34. Mm-hmm. Parce que toujours... On aime travailler dans la limite de nos moyens, on avait 34, mais on a présenté le projet à un parent. Mm-hmm. Il a décidé de donner beaucoup de cahiers. Mm-hmm. Alors, on a pu augmenter le nombre de bénéficiaires. On est passé de 34 à 70. Mm-hmm. Alors, on ne demande pas de l'argent, Vous faites un inventaire des besoins. De besoins, et puis... Mm-hmm. Ils donnent ça en espèces ou en argent, mais c'est notre méthode. On veut des choses en nature, mm-hmm. pas nécessairement de l'argent. On veut des choses en nature. Mm-hmm. Oui. Kwartil, Est-ce qu'il n'y a pas, disons, des jeunes qui avaient déjà formé, des adultes qui avaient déjà formé des associations qui venaient en aide à ces enfants de la rue, qui vous présentent comme une menace pour eux? Non, je ne crois pas. Non. qui pensent que vous piétinez sur leur territoire? Non, je pense que non. Ça, c'est aberrant de voir. Voilà. Parce que là, on se complète. Jeune, hein? Non, je ne crois pas. C'est juste qu'il y a beaucoup d'enfants à aider, donc je ne crois pas qu'une seule association peut faire tout. Mm-hmm. Donc du coup, je pense qu'on se complète. Mm-hmm. Ouais. Est-ce que vos parents comprennent facilement la mission que vous vous êtes fixée? Ouais, nos parents nous soutiennent. Ouais. Quand mm-hmm. on leur dit qu'on a des activités à faire, déjà, ils nous permettent d'aller, ils donnent la permission d'aller mm-hmm. faire ces activités. Des fois, ils nous aident aussi, ils nous donnent de l'argent. Ou comme Arnaud venait de le dire, nous, on aime faire l'état de besoin. On dit... Par exemple, pour Soleil Cahier, on avait dit qu'on a besoin de tel nombre de cahiers, tel uniforme, mm-hmm. tel stylo et quoi. Mais on n'aime pas recevoir de l'argent, on aime recevoir mm-hmm. le matériel. Ouais. Mm-hmm. En tant que jeune, est-ce que c'est facile de concilier la vie de jeune et les responsabilités de venir en aide à un enfant de la rue? Parce que là, on dit que vous... On comprendrait bien que vous grandissez trop vite par rapport à votre âge. Mais c'est facile. Oui, c'est facile. Ouais, c'est facile. Il suffit juste de savoir s'organiser. Parce que beaucoup de membres du YBSP, ils sont encore étudiants, élèves. Mm-hmm. Ouais, du coup, si tu sais que tu as les études, bah, je pense que les études, ça passe toujours avant. Mm-hmm. Mais... Il faut aussi, si tu as la volonté, tu cherches aussi le temps pour l'association. Mm-hmm. Arnaud, c'est oui. facile de concilier les deux? Oui, c'est facile parce que le premier atout que nous avons, nous sommes beaucoup. Les gens qui s'impliquent sont nombreux. Mm-hmm. Du coup, c'est facile d'élaborer les horaires d'activité. Mm-hmm. Si je ne suis pas là, par exemple, un autre peut m'épauler. Mm-hmm. Donc, le premier atout, c'est qu'on est, on est nombreux et du coup, ça nous permet de s'entraider. Si quelqu'un n'est pas présent, l'autre peut le remplacer. Mm-hmm. Oui. Pour toi, Arnaud, en tant que jeune qui est dans cette association, qu'est-ce qui devrait être fait pour que l'action des jeunes puisse continuer à avoir de l'impact? Bof. Pour que l'action des jeunes puisse avoir un impact, mm-hmm. tout d'abord, il faut que les autorités puissent comprendre que ça, c'est... On a d'abord besoin de leur bénédiction. Mm-hmm. Oui. C'est la première chose que nous avons besoin. Mm-hmm. Parce que si une bénédiction et un encouragement, mm-hmm. parce qu'il y a des jeunes qui veulent réellement changer leur entourage, leur communauté, mm-hmm. et tout ce qu'ils veulent, c'est leur bénédiction, mm-hmm. la bénédiction des autorités et les encouragements des autorités. Et il n'y a pas une responsabilité des jeunes pour que tout cela puisse marcher? Qu'est-ce qui doit être fait par les jeunes eux-mêmes? Tout d'abord, ils sont nombreux. Mm-hmm. C'est pas, ils doivent. On a beaucoup de jeunes. La population est au Burundi. Je crois qu'avec le dernier recensement, on a vu qu'il y avait beaucoup de jeunes. Mm-hmm. Il faut qu'ils s'impliquent davantage. Parce que si on regardait. Par exemple, nous sommes limités. Mm-hmm. On ne peut pas travailler. On n'a pas encore dépasser la frontière, disons les limites de la mairie de Bujumbura. Mm-hmm. Si par exemple à Gitega, d'autres jeunes s'inspiraient mm-hmm. de votre idée, pas nécessairement les enfants de la rue, il y a mm-hmm. trop de problèmes mm-hmm. qui minent notre société, mm-hmm. Oui, qui peuvent s'inspirer et se lancer, ce serait une bonne chose. Mm-hmm. Oui, en tout cas, si on pourrait créer plusieurs YBSP dans différents domaines, ça serait... En tout cas, la pauvreté diminuera. Serait éradiquée. Oui. Corti, qu'est-ce qui devrait être fait pour que l'impact soit vraiment visible sur terrain? Comme Arnaud venait de le dire, on a vraiment besoin du soutien de l'État. Parce mm-hmm. que bah, nous, les jeunes, on a l'idée, on fait ce qu'on peut, mais on a des moyens limités. Mm-hmm. Bah avec le soutien de l'État, je pense qu'on peut faire encore mieux, mm-hmm. encore plus. Ouais. Mm-hmm. Et la responsabilité des jeunes dans tout ça? je pense que je suis du même avis que Arnaud. Mm-hmm. Bah, la population burundaise, la majorité, nous, ce sont des jeunes. Donc, si d'autres jeunes pouvaient s'inspirer de notre idée, comme il disait, et ailleurs, à Ngozi, à Muyinga, avoir un autre YBSP, mais pas nécessairement qui aide les enfants, mm-hmm. qui fait je sais, l'environnement, qui... Mm-hmm. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à faire ici au Burundi. Pour avoir d'autres associations qui pourraient naître dans les différentes provinces du pays, comment doit se faire cette sensibilisation pour leur faire comprendre qu'ils doivent faire quelque chose? Ah, là, je pense que vous, les journalistes, vous pouvez nous aider beaucoup à faire passer notre message, à arriver où nous, on ne peut pas arriver. Vous avez des radios, donc si vous passez, vous passez nos messages, quel serait peut-être... quel serait le contenu de ce message Parce que tu l'avais dit au début qu'ils ont de la force, oui. Pas d'autres. Premièrement, il faut que nous, les jeunes, on ait la conscience que... Parce que donc, c'est nous, le Burundi de demain, comme nos aînés aiment le dire. Mm-hmm. C'est nous qui devons changer les choses. C'est pas... les autorités, les aînés, eux, ils ont déjà fait leur pas. Donc, c'est à nous, à nous de faire avancer les choses. Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Comment doit se faire une sensibilisation à l'endroit des jeunes pour qu'ils comprennent, pour qu'ils soient conscients de la force qu'ils ont? Tout d'abord, c'est... Il y a des exemples qu'ils peuvent suivre. Mm-hmm. Par exemple, c'est pas seulement YBSP, il y a d'autres associations qui font des choses tellement bénéfiques pour la nation. Mm-hmm. Mais l'essentiel, c'est il y a des gens qui manquent de motivation. Mm-hmm. Comment on doit les motiver? Tout d'abord, il y a les radios, comme Quarty l'a dit. Il faut qu'ils ouvrent plus d'espace pour les jeunes qui ont déjà quand même des réalisations à leur actif pour qu'ils puissent inspirer les gens de l'intérieur, même de Bujumbura, parce que ce n'est pas tout le monde qui est à Bujumbura qui connaît nécessairement YBSP. Il peut s'en inspirer pour... faire quelque chose qui peut améliorer le quotidien de ses prochains et de sa famille. Et c'est sur ces mots que je te dis merci, Arnaud. Excusez. Arnaud Igor Giliteke, coordinateur du projet Sololikaye au sein du YBSP. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Merci de nous avoir invité. Merci également à Quarty Nineza, coordinatrice du projet Sunday Meal au sein également du YBSP. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Merci beaucoup et merci de nous avoir invités. La mise en onde était assurée par François Kimana. Au micro, vous étiez avec Ali Dandaïkeza. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre page Facebook, Forum Jeunes/Radio Isanganiro. À la prochaine.